Vendredi 14 février 2014, vous écoutez La Vie en BD. Bon vendredi à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30, comme à l'habitude, pour parler du 9e art, pour porter quelques regards sur l'univers de la bande dessinée, c'est dans le titre, et quelques regards qui seront orientés peut-être un peu vers l'Europe, vers Angoulême. On vous disait il y a quelques semaines que j'avais eu le plaisir d'aller justement dans cet événement, dans ce festival incontournable, et c'était il y a déjà 2 vendredis, et bien on s'est donné une semaine pour en revenir, pour, disons, laisser macérer un peu tout ça. Et c'est aujourd'hui qu'on vous proposera donc un regard, un retour, un bilan de notre expérience Angoulême. Je dis notre parce que, ben, évidemment, il y a mon expérience Angoulême qui sera mise à l'avant, mais également celle de l'auteur Francis Desharnais qui était avec moi là-bas, et ça vous permettra d'avoir deux visions aussi sur l'événement, et deux regards, en fait, celui du journaliste, celui de l'auteur également. Alors ça sera au début de l'émission de cette semaine. Également, on aura l'occasion de discuter avec Marco Duchesne, donc notre commentateur BD, qui nous apportera quelques regards sur des parutions récentes. Et aussi, en fin d'émission, on portera un regard sur l'initiative Distroboto, qui est arrivée à Québec l'automne dernier. Ça fait déjà, par contre, depuis 2001 que ça existe à Montréal. Alors, d'où est venue l'idée? Comment progresser tout ça? Eh bien, on va en discuter tout à l'heure avec son créateur, son fondateur, son idéateur, Louis Rastelli. Alors, ça, c'est le menu pour aujourd'hui. Et sinon, dans l'actualité BD, ben évidemment, on est un peu dans le post-Angoulême, avec, quelques controverses qui persistent un peu, certaines auxquelles on fera quelques clins d'œil tout à l'heure, d'autres qui traitent peut-être des conditions de travail des auteurs. En fait, un tract qui était distribué à l'occasion du festival qui était lié au Syndicat national des auteurs et compositeurs, qui critiquait certaines décisions côté européen. Bon, il y a des gens qui se sont fait aussi mettre dehors d'un stand parce qu'ils avaient des signes nazis, mais c'était un éditeur qui avait des signes nazis, c'est un peu surréaliste. Il y a aussi eu une petite controverse autour de la compagnie SodaStream, qui a des intérêts du côté d'Israël. Ça amenait certaines réflexions de la part de certains auteurs, bref. En lien avec le conflit israélo-palestinien. Alors, ça donne un peu le portrait de certaines des controverses auxquelles, d'ailleurs, on trouve beaucoup de clins d'œil dans l'actualité des dernières semaines. Sinon, mention en fait également, pour la première fois, la maison d'enchères Christie's France va proposer une vente de bandes dessinées aux enchères. Donc, ça va avoir lieu au début avril 2014 en partenariat avec une galerie parisienne. On parle de 250 lots de planches originales, des Franquin, des Bilal, des Jacobs, Uderzo. On parle d'à peu près 1,5 million d'euros, donc probablement autour de 2 millions de dollars. Et c'est une première, donc si ça marche bien, si ça répond bien aux attentes qui ont été mises de l'avant par les gens qui sont derrière justement cette vente, eh bien peut-être qu'il y aura d'autres types d'événements de ce genre qui sera organisé. On sait parallèlement qu'il y a des galeries aussi qui s'ouvrent autour justement de l'exposition de planches BD, autour de la vente. Il y a quand même un très, très gros marché pour ça également. Alors, ben voilà, donc le marché de l'art semble vouloir s'en emparer. Sinon, on parle aussi d'un groupe de parlementaires, d'une association de parlementaires bédéphiles en France, toujours, qui ont décidé de se créer une association, donc l'association Philémon, des parlementaires amenés par des députés de l'étranger, donc amenés par Pouria Amir-Rachi, viennent de fonder donc cette association. L'idée est d'essayer, à l'intérieur même du Parlement, de valoriser la bande dessinée, art mondial et populaire, dont la France est l'un des cœurs battants. C'est ce qu'on explique du côté de l'association. association prévoit d'organiser notamment et de relayer des manifestations publiques en lien avec les éditeurs, les auteurs, les associations dédiées également. On verra évidemment si tout ça a une résonance par la suite, un impact et peut-être, qui sait, qu'est-ce que ça donnera des idées à d'autres gens, à d'autres pays et à d'autres parlementaires d'essayer de trouver des manières justement de mettre en valeur cet art qu'est la bande dessinée. Alors voilà pour ces quelques clins d'œil à l'actualité. On va se lancer en musique. La formation qui va nous suivre au fil de l'émission, eh bien, c'est Vince Kaitchain avec un album qui s'appelle Ilio. On va en écouter quelques extraits et on en met d'emblée, d'ailleurs, un premier dans nos oreilles, Iliova. Et je vous rappelle d'ailleurs, si vous voulez suivre La Vie en BD, c'est possible de le faire sur Facebook, facebook.com La Vie en BD. C'est possible également de nous trouver sur le site voir.ca/Raymond-Poirier. Et enfin, c'est possible aussi d'écouter les émissions en balado-diffusion sur lavieenbd.wordpress.com. Alors ben, j'ai le plaisir maintenant d'être en compagnie de l'auteur BD Francis Desharnais. Bonjour. Bonjour Raymond. Ça va bien? Oui, oui, toi? Oui, ça va. Et Francis, en fait, je t'ai convié puisqu'on a eu le plaisir de se côtoyer pendant quelques jours lors du Festival d'Angoulême, 41e édition. Donc, de vivre l'expérience, dans mon cas, pour une première fois, dans ton cas, pour une troisième fois. Et justement, est-ce que tu as l'impression, comme tu as été quand même à quelques reprises à l'événement, que le 41e Festival était à la hauteur des éditions précédentes ou se démarquait peut-être, ou au contraire, qu'on a un plateau qu'on semble maintenir de ce côté-là? Ben moi, c'est sûr que par rapport aux autres fois, je dirais que ça se ressemblait quand même en termes d'affluence, en termes de la ville là, qui se met à vibrer vraiment autour de ce festival-là, autour du nombre d'activités, du nombre d'auteurs, du nombre d'expositions. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire puis à voir à Angoulême, ce qui fait qu'à ce niveau-là, ça se démentait pas. Puis j'aurais envie de dire aussi au niveau des scandales et des trucs qui faisaient pas l'affaire de certains aussi. Bon, il y en avait quand même plusieurs encore cette année. Oui, enfin, on nous a dit que, disons, les relations de presse étaient assez chargées, si on peut dire, pour gérer justement les différentes crises au fil de l'événement. Donc, ça roulait pas mal de ce côté-là. Et on m'avait dit, en fait, de mon côté, il y a beaucoup de gens qui y vont. Je dois avouer, ça paraissait peut-être moins le jeudi, vendredi, mais le samedi, c'était complètement fou, là. C'est l'horreur. Faut pas y aller le samedi, en fait. C'est dommage pour ceux qui ont juste cette journée-là pour y aller, mais c'est vraiment la journée où il y a trop de monde, puis qu'on circule mal dans les différents espaces des éditeurs. Même pour assister aux différents débats, on a essayé d'aller à quoi, trois débats différents, puis on était capable d'aller juste à un. À celui auquel on est arrivé 45 minutes d'avance. Ouais, c'est ça. Pour écouter une causerie. Ouais, c'est ça. Parce qu'il faut dire qu'Angoulême, c'est pas très grand. Puis le festival, bien qu'il soit très gros, la ville n'a pas envie d'investir pour augmenter ses infrastructures parce que ben le reste de l'année, ça, j'imagine que ça servirait pas. Donc, ce qui fait qu'ils sont un peu pognés pour faire un gigantesque festival dans des lieux qui peuvent pas contenir autant de monde. Oui, puis ça fait un peu un débalancement parce qu'il y a des lieux qui sont capables de recevoir quand même une forte affluence, mais il y en a d'autres qui ne sont pas du tout. On l'a vu pour certaines expositions où c'est une question d'espace exigu. L'Expo Willem, par exemple, il y avait à peu près 5 personnes pièces qui pouvaient rentrer en même temps parce que c'était trop petit, parce qu'il y avait un tout petit corridor qui permettait de donner accès à cet endroit-là. C'était aussi le cas d'une autre exposition à l'Hôtel de Ville où on avait des espaces très, très petits. Mais inversement, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus accessibles, comme celles qui étaient au musée de la BD, à d'autres musées, donc hors du samedi, évidemment, là, où rien n'était accessible. Oui, ben, c'est ça. Mais comme par exemple l'exposition de Willem, c'est étonnant parce qu'en plus c'était l'exposition du Grand Prix, donc on aurait pu s'attendre à ce que ça soit plus simple de la visiter. Bon, j'imagine que là les auditeurs commencent à se dire, ouais, ben ça veut dire qu'ils l'ont pas vu. Effectivement, on a bien essayé, mais c'est ça. Enfin, à un moment donné, il faut savoir jeter l'éponge. Même chose pour les spectacles, dans la mesure où on est allé le jeudi pour acheter des billets et finalement il en restait pour le dimanche. Donc oui, on en a vu le dimanche. Mais en même temps, tout ça, c'est que ça donne une idée de l'engouement, oui, exactement, que ce festival-là crée. Donc, en même temps, on chiale un peu, mais en même temps, c'est quand même le fun de voir voir justement un festival rouler à pleine capacité, on pourrait dire. T'sais. Et c'est pour ça qu'on y va aussi. Et c'est pour parce ça qu'on y roule en pleine capacité. C'est parce que tout le monde y est, et tout le monde y est parce que tout le monde y est. Ouais, ben c'est ça, exactement. Et on parlait des expositions, je pense que j'ai envie qu'on s'y attarde un peu, parce que c'est quelque chose, j'ai l'impression, en fait, comparativement peut-être à d'autres types d'expositions qu'on peut voir, j'ai été scié, si je prends l'expression française, sur l'attention qui est mise à la scénographie, à la manière par laquelle on essaie d'intégrer les planches aux différentes salles. Oui, ben il y en avait, dans les deux qu'on a vues, il y en a une qui était particulièrement... intéressante à aller, c'était celle sur Nocturne, qui était une exposition de planches en lien avec le rêve. Puis il y avait des planches, bon, évidemment, qui commencent des débuts de la bande dessinée. Évidemment, Little Nemo in Slumberland avait plusieurs belles planches de présenter. En fait, Little Nemo à Tintin jusqu'à David B., Julie Doucet. Oui, Julie Doucet, tout ça. Et puis tout ça était au milieu des planches. Il y avait des espèces de lits, d'authentiques, de vrais lits avec des sommiers, pas des sommiers, mais des têtes de lits, bon, ben, puis des sommiers tordus ou même qui avaient des formes d'araignées, tout ça. Donc, ça en jetait vraiment là pour une exposition de planches. Normalement, ça dynamisait vraiment le tout. Oui, puis ça renforçait un peu le parcours qui avait été choisi de donner dans les planches, parce qu'on commençait par un rêve peut-être un peu plus naïf, pas nécessairement très violent, et tranquillement les planches devenaient de plus en plus perméables au cauchemar, et au fond c'était le cauchemar, point. On passait donc du rêve au cauchemar, et là les lits qui étaient somme toute normaux, sages au début, devenaient disproportionnés, des immenses pattes façon araignée, des trous avec des cris, des choses comme ça. Donc il y avait vraiment aussi une espèce de renforcement du parcours subjectif, peut-être du regard qu'on va porter sur les planches. Oui, tout à fait. Oui, j'avais même pas allumé que c'était fait comme ça, mais quand j'y repense, ouais. Et en même temps, toi, tu l'as vécu à l'exposition Tardy, dans la volonté justement de situer les planches, une expo qui était sur la Grande Guerre, sur la guerre 14-18. Qui ont essayé de nous... Bon, je dirais pas qu'ils ont essayé de nous faire revivre les tranchées, parce que c'était une exposition qui portait principalement sur la portion, je dirais, guerre 14-18 de Tardy, qu'on sait qu'il a fait plusieurs albums sur ce thème-là. Donc, en fait, les planches étaient présentées sur de grands panneaux de bois qui rappelaient les tranchées, mais bon, fait que ça, de très très grands panneaux, c'est un peu difficile à décrire en latte de bois. C'est comme si vous étiez dans les tranchées. Oui, c'est ça. En même temps, il y avait pas de boue non plus, il y avait pas d'éclats de but, puis il y avait pas des cadavres partout. Mais le souci était quand même là. Puis ça c'était quelque chose qui était appréciable de voir que la bande dessinée peut bien se mettre en valeur, parce que des fois, ben ça c'est un goût vraiment très personnel, mais des fois je trouve les expositions de planches, c'est un peu straight, c'est pas Je sais pas, moi je suis pas un si grand fan de planches originales que ça. J'aime mieux être assis confortablement puis lire le livre. Mais d'avoir un souci comme ça de scénographie, ben déjà ça donne un peu plus envie là, de le parcourir puis de s'y attarder. Exactement. Puis encore là, on revient à l'idée d'ambiance dans la mesure où il y a une des salles justement de l'exposition Tardy où c'est un cimetière qui était recréé. Et là, ben on lit, on regarde ces planches-là au centre de tombe. Donc ça amène, j'imagine, un parcours. Un ressenti émotif qui est différent. Subitement, il y a un contexte, même si on le sait artificiel, reste qu'il y a un contexte à ces planches-là. Oui, ben c'est ça. Ça a tout participé à donner le plus possible une ambiance de cette guerre-là. Puis en même temps, cette scène-là, on va dire, avec le cimetière, ben n'était pas dénuée d'humour parce qu'une des tombes était au nom de Tardy, qui n'est pas décédé et qui est encore moins enterré sous le musée, sous le vaisseau Moebius, comme ils l'appellent. Et en même temps, ça, c'est des expositions qui sont très très visuelles, en fait, qui étaient vraiment... ou dans lesquels on cherchait visiblement à mettre l'esthétisme de la bande dessinée de l'avant. Parallèlement, il y avait d'autres expositions comme celle de Kino, celle sur Mafalda, où j'ai l'impression, je sais pas si c'est une impression que tu partageais, mais où on cherchait beaucoup plus à mettre de l'avant le côté didactique, à nous expliquer pourquoi c'était une œuvre importante et à mettre de l'avant ce qui faisait justement l'importance dans le contexte de sa création de cette œuvre-là pour le contexte global, le contexte politique de l'Argentine des années 60-70. Ah, tout à fait, parce qu'il y avait pas... à cette expo-là, que personnellement, moi, ça a été ma préférée, il n'y avait pas un souci de mettre des planches originales. Les planches qui étaient présentées, c'était des reproductions. C'était des reproductions de crayonnées, mais des reproductions quand même. Donc, à ce niveau-là, l'amateur d'originaux devait être peut être déçu, mais la personne qui veut justement savoir un peu plus sur c'était quoi de vivre en Argentine à cette époque-là, ben là, on en avait plein la vue. Oui, puis en même temps, c'est que ça permet, parce que on peut facilement l'oublier, c'est le contexte politique qui est autour de la création de Mafalda. On peut facilement, j'ai l'impression, porter un regard sur cette série-là en se disant ben, c'est un enfant qui a des mots d'adulte, qui a des réflexions sur le monde, etc., un enfant engagé. Mais qu'est-ce qui fait que cet engagement-là se retrouve chez Mafalda? Mais c'est le contexte de création. Oui, puis c'était bien expliqué dans l'expo qui disait pour lui, c'était la seule façon de parler de ce qui fonctionnait pas dans le système en Argentine à ce moment-là. Sans être censuré. Exactement, sans se faire censurer. Puis même, il parlait à un moment donné de la récupération de Mafalda par des groupes d'extrême droite et puis même par des groupes d'extrême gauche. Alors, puis ça expliquait aussi pourquoi à un moment donné, il a arrêté parce qu'il finissait par avoir trop peur pour sa vie ou par ne plus pouvoir faire ce qu'il voulait comme il faisait depuis des années. Oui, puis lui, en tant qu'auteur, enfin, on voyait les témoignages où il disait, mais j'étais choqué de voir qu'on revendiquait un attentat en utilisant ma création qui était pas du tout faite pour être utilisée dans un contexte comme ça. Et c'est carrément, en fait, il dit très clairement, c'est carrément ce qui l'a amené à arrêter de vouloir faire Mafalda. Est-ce que sonnait le glas, dans le fond, de cet engagement-là? Parce que lui avait plus envie de, comme tu le dis, de prendre ce risque-là et de voir en même temps ses personnages être détournés de la sorte ou tenter d'être détournés aussi parce que on le donnait à travers l'exemple de la soupe. Il disait, regardez, la soupe, c'est une métaphore, mais c'est une métaphore qui est à ce point claire que tout le monde en Argentine savait clairement que quand je parlais de la soupe, je parlais de la sphère politique. C'était à peine voilé. Donc oui, j'en parlais pas directement, mais pour tout le monde, c'est très clair. Oui, oui. Là-bas. Oui, oui. Mais c'est ça, justement, tous ces détails-là que pour nous on peut pas le percevoir en lisant la bande dessinée parce qu'on n'a pas les mêmes références, ben de le voir expliqué comme ça, ben justement moi les gags de soupe c'était pas forcément mes préférés, mais là en sachant ça justement ça leur donne un nouvel éclairage puis ça devient il gagne en profondeur là. Et autour des lieux d'exposition comme ça, il y a évidemment ça c'est un peu les activités parallèles, si on peut dire. J'ai l'impression que l'attraction principale, que comme dans tous les événements, comme dans tous les salons du livre, festivals et autres, c'est les bulles. Donc dans ce cas-ci, donc les lieux où on peut rencontrer les auteurs, les lieux où on peut acheter les livres. Donc ça devient un peu une immense librairie sous une multitude de tentes. Là. Ouais, je pense qu'on peut. C'est comme si on prenait, j'ai envie de dire le salon du livre de Québec x2. mais uniquement de la bande dessinée. Donc, beaucoup d'espace accordé. Il y a peut-être deux bulles principales. Un espace qui est consacré aux gros éditeurs, on va les appeler comme ça, les Dargo, Casterman, Delcourt et compagnie. Et puis, un espace consacré aux éditeurs indépendants. Par exemple, la Pastèque, c'est là qu'on peut les retrouver. Il y a l'association qui est là aussi, Cornelius. Donc, quand même des gros indépendants. T'sais, les gros et les très petits, la BD étrangère aussi, les pays nordiques, les autres pays d'Europe, etc. Donc, beaucoup de pays qui étaient représentés. Parfois même, de manière très, très officielle, il y avait un grand espace dans les éditeurs indépendants qui avait été réservé par la Belgique, par exemple, donc qui avait regroupé tous ces éditeurs indépendants dans un corridor. Oui, oui. Oui, effectivement, là, c'est des indépendants, mais des indépendants qui ont du poids. Mm-hmm. Il y a aussi un espace presque autopublication ou fanzine. Donc, il y a vraiment pas mal tout est représenté à Angoulême, toutes les déclinaisons possibles là, de la bande dessinée est représentée. Oui, puis avec des ambiances assez variées dans la mesure où quand on est dans la grande bulle, il y a plus de gens et les files sont plus imposantes. Les auteurs sont peut-être un peu moins accessibles chez les gros éditeurs dans le fond. Et quand on tombe chez les éditeurs indépendants, mais là subitement les auteurs sont peut-être un peu plus accessibles. Il y a moins de files. Par exemple, on avait un auteur comme Def Bergderf qui était présent. On pouvait pratiquement prendre un livre, aller le rencontrer, échanger avec lui. Donc, il n'y avait pas non plus cette pression-là qu'on retrouvait chez les gros éditeurs, dont les titres sont plus attendus, dont les auteurs sont peut-être un peu plus attendus, nonobstant la qualité de l'ensemble, évidemment. Là, c'est une question de popularité aussi. Et ça vient jouer sur l'ambiance ou la possibilité d'aller vers l'auteur peut-être de manière plus facile chez les petits que chez les grands. Ouais, puis cet espace-là, quelque chose de peut-être plus... même si c'est très grand, qu'il y en a beaucoup, chaque stand est... Et à échelle un peu plus humaine, alors que les gros éditeurs, ils vont faire de l'épate aussi. Ils ont des grands stands avec des reproductions de planches puis de dessins gigantesques, puis il y a de la grosse musique puis tout, puis bon, c'est une autre logique. Mm-hmm. Donc c'est là peut-être que les collectionneurs vont se retrouver. Enfin, on en a croisé un qui disait qu'il était à la file devant la grande bulle, donc devant la bulle des gros éditeurs, à quoi 3-4 heures du matin pour les séances de dédicaces de 10 heures pour pouvoir aller chercher un maximum de dédicaces par après, bien rentabiliser son temps. Donc, c'est là qu'on retrouve un peu ce que eux en Europe appellent les chasseurs de dédicaces, entre guillemets. Oui, puis ils doivent être légion. J'ai pas porté attention. Ça aurait pu être drôle en sortant d'une soirée d'aller voir justement combien il y a de personnes en ligne à l'ouverture de ces grosses bulles-là. Parce que bon, on se cachera pas, c'est aussi un festival, c'est aussi la fête, donc tous les auteurs se retrouvent, les auteurs de partout en France qui se retrouvent, donc ça peut fêter assez fort et se terminer assez tard. Donc alors au moment où il y a des collectionneurs qui viennent se mettre en place, les auteurs eux ils vont se coucher, tu sais. Donc c'est un peu surréaliste quand on y pense, en fait. Oui, ben c'est ça. Puis je suis en train de me dire, je sais pas s'il y a des collectionneurs qui ont déjà essayé de se placer à l'entrée du Mercure pour attraper les auteurs quand ils sortent, mais en tout cas, je suis pas sûr que... On pourrait que ce serait pas très, très apprécié. Et non, pour situer, en fait, le Mercure, c'est un peu le lieu central de l'événement, dans la mesure où c'est là où les auteurs qui sont invités officiellement par le Festival d'Angoulême sont logés. Et ce qui veut dire que c'est là que tout le monde, et j'ai presque envie de dire littéralement tout le monde, se retrouve en fin de soirée, là, donc passé minuit, une heure du matin. Là, tout le monde est là pour casser la nuit ou une partie de celle-ci. Puis c'est là aussi que la plupart des soupers organisés par les grosses maisons d'édition, ils ont des salles réservées. Donc t'as une salle juste pour Casterman, une juste pour Delcourt. Bon, puis là ben ils mangent puis ils commencent l'apéro comme ils disent. Et ça fait, c'est toujours un peu surréaliste dans la mesure où on connaît pas nécessairement toujours les faciès des gens, donc on a l'impression, un air de déjà-vu chez les différentes personnes qui sont, qu'on ne connaît pas nécessairement quand on va dans des lieux comme ça. C'est ça. Ils sont pas derrière leur livre, donc on fait pas l'association toujours. Moi, je me rappelle la première fois que j'étais allé, j'avais croisé Goussens, que j'avais jamais vu en photo, mais seulement via des caricatures dédicats. Puis je l'avais reconnu à cause de ça. Fait que ça, c'était quand même assez rigolo là, de voir des gens que t'as jamais vus, à part peut-être des fois dans des dessins de leurs collègues. En tout cas, bref. Et parallèlement, bon, il y a la fête, il y a les expositions, il y a les dédicaces, les rencontres, les livres, il y a les spectacles aussi, les rencontres, les conférences. Spectacles qui, ben, on en a seulement vu un, donc je peux pas m'avancer de tant que ça, mais qui sont quand même relativement sages en termes de type de présentation. Donc il y a un côté très classique à ce qui est proposé, ce qui me semble être proposé. Ouais, ben les ce qu'ils appellent les concerts de dessin, en fait, c'est que c'est une histoire qui est racontée en une douzaine d'images indépendante, créée par, dans ce cas-ci, nous on a vu, il y avait 8 auteurs différents, dont il y avait Alfred qui pilotait un peu le avec Jean-Louis Tripp. Avec Jean-Louis Tripp qui pilotait un peu l'histoire, mais il y avait aussi Loisel qui était là, puis les autres, je me souviens pas de leur nom. Donc, d'un côté, t'as les dessinateurs qui font une histoire, et de l'autre, t'as un orchestre. Dans ce cas-ci, c'était Ariski Belkacem, qu'on connaît aussi pour travailler avec Brigitte Fontaine. Et il y avait ses musiciens qui faisaient la musique, mais c'était, comment je peux dire, c'est qu'on aurait pu écouter seulement la musique et ça aurait été très bien. On aurait pu regarder seulement les dessins et ça aurait été très bien. Les deux ensemble, se rejoignaient pas, c'est ça. On peut parler de concert dessiné si il y a un concert puis il y a du dessin. T'sais, dans ma tête, un concert dessiné, faut que ça soit les deux ensemble. Sinon. Ouais, ben ça c'était assez étonnant. Puis j'avais vu une autre année, si j'avais vu Brigitte Fontaine et Blotch. Brigitte Fontaine donnait un show et puis Blotch dessinait, mais il y avait pas de timing. Blotch pouvait prendre 2 chansons et demie pour faire un dessin, puis Brigitte Fontaine réagissait pas vraiment en fonction des dessins, donc c'était comme un support visuel comme ça. On pourrait dire à la limite que t'as une espèce de distanciation poétique entre les deux, mais c'est distancé pas mal, là, tu sais. Non, ça me déçoit un peu, ce genre d'événement-là, parce que le concept en soi, il est intéressant, mais pour être développé, puis on le voit, en fait, j'ai l'impression que ils essaient de ne pas être sages, mais finalement, ils font soit maladroitement, soit finalement, ils reculent au dernier moment. Et c'est un peu ça aussi dans la cérémonie de clôture, où on sentait qu'il y avait envie d'avoir un brin de folie, il y avait un gros hommage à Fred autour de l'événement, donc avec beaucoup d'éléments de décor, d'éléments thématiques. Mais finalement, c'était fait de manière un peu maladroit, donc ce qui fait que on n'était jamais véritablement à l'aise dans l'hommage qui était proposé. Oui, ben juste pour donner une idée, ils installaient, il y avait des comédiens qui installaient des reproductions géantes de dessins tirés de l'œuvre de Fred, principalement Philémon. Le maître de cérémonie, c'était un souffleur, parce que dans un des Philémon, un des personnages, ce sont des souffleurs. Sauf qu'au lieu de mettre un vrai souffleur en scène, sur la scène, ben ils ont mis un carton avec un dessin de souffleur dessus. Ce qui fait que l'animateur était assis dans la foule, puis il parlait, mais on le voyait jamais. Donc, ça faisait quelque chose de très bizarre parce que les gens devaient s'adresser à un bout de carton. Puis même les auteurs qui venaient recevoir les prix étaient décontenancés. Et donc, finalement, personne ne savait exactement où se placer sur scène. Donc, nous, dans la salle, on était mal à l'aise pour eux. Puis à un moment donné, ben il y a des éléments de décor qui se retrouvent en avant de l'écran sur lequel on présente les nominations. Ouais. Donc là, on voyait plus rien. C'est comme voyant qu'est-ce qu'ils ont pensé. Oui. Puis pendant l'hommage fait aux personnalités de la bande dessinée décédées dans la dernière année, la fin de chaque capsule était coupée, donc ça, ben, bref, c'était vraiment broche à foin. Ce qui est surprenant pour un festival de cette ampleur là, oui. Qui ont probablement du budget pour faire de quoi de vraiment chouette. Ben en fait, le confirme les expositions, le confirme l'organisation des bulles, l'éclairage, l'ambiance. Je veux dire, il y a beaucoup de soucis dans tout ce qui est fait à l'avance, mais dans tout ce qui est présenté sur place, là, on dirait qu'il y a un peu plus de flou, puis qu'il y a moins peut-être de rigueur dans l'organisation, dans la présentation. En fait. Ouais, c'est ouais. L'impression que ça laisse. Tout à fait. Et Francis, en fait, si t'as un élément de ton côté à retenir sur ton expérience 2014 à Angoulême. Mon Dieu, il y a beaucoup de choses, mais pour avoir été beaucoup aux expositions, je pense que c'est ça qui m'a le plus marqué cette année. D'avoir pu prendre le temps d'aller aux expositions. Oui, j'avoue, en fait, moi, de mon côté aussi, j'aurais tendance à dire que c'est l'élément qui m'a le plus frappé en termes des particularités de ce festival-là, en fait, la force de ces expositions-là. Puis parallèlement, la variété des propositions, en fait, je pense que Ça, j'ai plus frayé dans la bulle indépendante, mais en même temps, on va d'une bulle à l'autre. Bon, il y a beaucoup de thématiques, beaucoup d'éléments, et on découvre que la BD sur page, en fait, ça vient confirmer ce qu'on sait déjà, mais c'est plaisant de le voir physiquement, l'éclatement des styles, l'éclatement des explorations aussi qu'on retrouve, que ce soit d'un stand à l'autre, d'une exposition à l'autre, d'une bulle à l'autre, etc., etc. Ouais, ouais. Non, vraiment, ceux qui ont la chance d'y aller, y a pas moyen de s'ennuyer là-bas, là, c'est... Ça foisonne. Effectivement. Faut planifier un peu à l'avance puis se laisser porter par les événements. Ouais. Francis, merci beaucoup d'être passé pour partager avec moi tes impressions sur le voyage. Ben merci Raymond, c'était un plaisir de vivre ça avec toi. Et on se dit à la prochaine. À bientôt. Et nous, on part en pause à venir. On va parler notamment BD et on va parler d'Istroboto. Donc BD avec Marco Duchesne, d'Istroboto avec Louis Rastelli. De l'improvisation théâtrale avec un allié de taille. Le dessin, c'est l'impro BD. À la Ligue québécoise d'impro BD, auteurs de bandes dessinées et comédiens s'unissent pour offrir une soirée haute en couleurs. Dimanche 23 février 20h au Cercle 228 rue Saint-Joseph-Est, rouge contre bleu. Initié par le Festival de la bande dessinée francophone de Québec, les soirées de la Ligue québécoise d'impro BD sont présentées en partenariat avec le Cercle et CKRL. Un événement hors du commun. À Corrigan, une brasserie artisanale qui fait des publicités artisanales. Les houblons dorés donnent pierre la Corrigane, un arôme et un goût céleste. Une expérience sensorielle totalement émouvante. Corrigane, je t'aime. La Corrigane, 380 rue Dorchester, Québec. Du 5 février au 2 mars, c'est la 15e édition du Mois Multi. Un électrisant programme vous transportera durant ces 27 journées de festivités. Spectacles multidisciplinaires, performances sonores et lumineuses, danse, art électronique, installations robotiques, sonores et interactives, cabaret multi et bien plus. Plus d'une centaine d'artistes d'ici et de l'étranger vous invitent à cette rencontre multidisciplinaire unique. Le Mois Multi, du 5 février au 2 mars, à la coopérative Méduse et chez plusieurs partenaires. moimulti.org. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 10% à chaque fois que vous faites un achat au Centre de yoga de Québec, 1355 3e Avenue. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Tous les samedis soirs dès 20h30, venez vous faire injecter votre dose d'illusion auditive. Au listing, prog psychédélique garage pop des années 60 à aujourd'hui. Prescription appliquée par Vincent Delille et Jacques Dulac, qui vous donne rendez-vous de 20h30 à 22h à CKRL 89.1. Tout juste avant 100% Dynamite, le week-end s'amorce de belle façon dès 18h30 les vendredis avec Jean-Sébastien Grondin et son émission Soulfinger. Ça groove à CKRL 89.1. Vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30 aujourd'hui sur les ondes du 89.1 CKRL. Et c'est le moment maintenant de porter un regard sur quelques sorties récentes en compagnie de notre collaborateur Marco Duchesne. Bonjour. Hey, salut. Ça va bien? Oui, merci, toi? Oui, ça va. Fait un peu ébranlé peut-être par la tempête au fil de la journée. Et c'est genre de température, quand il neige comme ça, ou avec un chocolat chaud, ou un café, un thé, un feu de bois, une BD. Sur son divan avec sa doudou oui. Et sa BD préférée. Et dans tes lectures récentes, Marco, est-ce que t'as des BD qui se qualifieraient pour des moments comme ceux-là? J'ai la BD qui se qualifie numéro un pour ce genre de moment-là. Écoute, récemment, vient tout juste de paraître... la semaine passée, je crois, est arrivé chez Dupuis un album, une série qui commence, qui s'appelle Les Campbell. C'est une série qui va être orchestrée par Munuera, je ne sais pas comment on prononce. J'essaie de dire Munuera en me donnant l'impression que Munuera, je prononce bien. Ouais, mais... en fait. Munuera, on s'en souviendra surtout pour son passage chez Spirou et Fantasio, avec je ne me rappelle plus qui, il avait animé quelques numéros. Et avait été éjecté et remplacé par Noam et je me rappelle plus qui. Mais bref, il a commencé cette série-là Et une sorte, c'est Campbell. C'est Campbell, qu'est-ce que c'est? C'est des pirates. Alors, on va avoir droit à des aventures de pirates et de flibusterie. Mais à la façon Spirou, à la façon du magazine Spirou, avec beaucoup d'humour, avec une belle touche aussi d'hommage. Je m'explique. Déjà, le dessin de Minuera dans les Campbell, ça ressemble beaucoup à ce qu'on peut voir dans les albums Spirou, dans les magazines Spirou. Et ça a une petite touche Disney. Tu sais, ces faces longues là que les personnages de Disney ont. Alors, ça ressemble beaucoup à ça. Alors, c'est très agréable à lire. Côté humour, en fait, c'est un côté humour aussi atmosphère pirate. Les Campbell, en fait, c'est un pirate qui s'appelle Campbell. Et il élève ses deux filles, une adolescente et une jeune fille de à peu près 10 ans. Il les élève, il se cache. Et de temps en temps, ça les empêche pas de courir après un trésor ou deux, et même deux des fois. Il se cache parce que un méchant, l'infâme Inferno, a tué leur mère et est à la recherche pour en finir avec les Campbell. Tout ça tout ça semble un peu banal, mais je te dirais que c'est au niveau de la narration que ça devient intéressant pour les Campbell. Okay. Minuera se sert d'une espèce de... Il y va par petits épisodes, c'est-à-dire que quand on lit l'histoire, elle n'est pas linéaire. On a le droit au présent, on a le droit à des flashbacks, et tout ça, après la lecture de quelques pages, on a une pause d'une page blanche qui est incrustée avec un dessin. OK. Donc, c'est comme une espèce de pause, c'est comme un épisode, c'est comme écouter un épisode d'une série télé. Tu sais, cette semaine, l'épisode... Donc ça apporte un rythme particulier peut-être à la lecture. Ça a un rythme particulier, comme tu dis, et c'est pas désagréable. Parfois, l'épisode humoristique, je pense à des épisodes qui présentent un peu les personnages, surtout les deux petites filles. Parfois, c'est dramatique, où on a l'Inferno qui est hanté par le fantôme de Madame Campbell qui l'a tué. Et parfois, c'est des flashbacks où on nous met en scène la jeunesse de Campbell et de Inferno. Donc, ça permet d'étayer l'univers, ça permet de le construire. Puis, j'imagine rapidement, en fait, pour le lecteur, dès le premier tome, de passer, de comprendre un peu la dynamique des Campbell assez rapidement. Là. Tout à fait. Et tout ça est agrémenté de jolis clins d'œil. Exemple, à un moment donné, à la fin de un des épisodes, on y voit Campbell avec son trésor et derrière lui, un banquet où des gens mangent et s'amusent, qui fait référence probablement à Astérix. Dans un autre épisode, en ville, les Campbell se font poursuivre par 4 bandits de grandeurs différentes qui sont habillés de pyjamas jaunes à rayures noires. Alors, ici, on a un beau clin d'œil au Dalton. Effectivement. Alors, Minuera s'amuse avec ses références de la BD et nous sert vraiment une jolie histoire, une jolie aventure de pirate. Alors, je vous le conseille fortement. Ça, c'est Les Campbell, donc premier tome de Minuera, c'est chez Dupuis. Et Marco, deuxième clin d'œil, terminer un peu ton intervention de cette semaine, Hawkeye, le tome 2 chez Panini. Ouais, c'est pour mentionner que le tome 2 de cette série qui a gagné des prix aux États-Unis, un comic book, qui sort de l'ordinaire. Là, on parle de Hawkeye, c'est vrai que c'est un personnage des Avengers, c'est ceux qui auront vu le film, c'est l'archer. Celui qui tire à l'arc, c'est l'archer. Alors, Hawkeye fait partie des Avengers depuis la deuxième vague, je crois, dans les années 70. Oui, assez récent, assez ancien et récent en même temps. Ouais, et là, l'année passée, Marvel a décidé de lui donner sa propre série. Ils ont été chez un scénariste, un de leurs scénaristes majeurs, là, Matt Fraction, qui avait servi Iron Man avant et tout. Et ils vont d'un dessinateur qui s'appelle David Aja. David Aja, que je ne connais pas, mais c'est un Européen. Dans son style, il dessert un comic book à l'européenne, de petites cases, c'est-à-dire que on n'est pas dans le comic book où l'action prime. On est dans l'expectatif, on est dans l'explicatif, on est... tout ça à la... avec la ligne claire, une espèce de ligne claire. Et Hawkeye, C'est aussi, c'est le, en fait, cette série-là raconte pas la vie du super-héros, raconte la vie personnelle de Hawkeye, c'est-à-dire la vie de Clint Barton. Donc ça devient plus intéressant parce qu'on explore, on sort un peu des clichés. Les aventures qu'on vit avec Clint Barton dans cette série-là, c'est Clint Barton s'achète un immeuble. Il doit le protéger de la mafia locale. Clint Barton reçoit ses... Et ça, cet épisode-là est à lire, Raymond. C'est hilarant. Clint Barton a eu comme compagne, au fil des ans, a eu comme compagne la Veuve Noire, Black Widow. Il y a eu Spider-Woman et Mockingbird. C'est trois super-héroïnes. Et il a été marié à l'une d'elles, les deux autres, il a sorti avec elle. Et un moment donné, il débarque chez lui. Alors, il faut qu'il se dépêtre de situations cocasses. On est dans le vaudeville. Ah, tout à fait. Et à la toute fin, il y a un épisode où il a adopté un chien, où on va suivre pendant une journée le chien de Hawkeye. OK. Alors, tout ça est fait avec cette espèce de graphisme-là, je te dis, à l'européenne, très... c'est des... je pense que depuis quelque temps, je suis beaucoup... Depuis certains temps, je suis les comics et je m'aperçois que les Américains sont de plus en plus sensibles à notre... à la BD européenne, au graphisme et à la façon de raconter. Mm-hmm. Je pense que ils vont commencer à s'imprégner un peu de la façon de faire... un peu à, pour étirer un peu peut-être les histoires, pour peut-être les rendre un peu plus... parce qu'avec le graphisme énergique, le graphisme des comics américains, ça laisse peu de temps à approfondir les personnages, même c'est si très on direct, y arrive. C'est, là, c'est direct, là. C'est rapide, mais ça s'est adapté au format. En fait, on travaille avec moins de pages, déjà au départ, des formats plus petits. Oui, c'est peut-être ça. Il y a tout cet aspect-là, mais quand même. Mmh. Alors, tout ça pour te dire que ce deuxième tome, Hawkeye, ça s'appelle chez Panini, de David Aja et Mac Fraction, il est sorti. Après ça, la série va être desservie par un autre dessinateur. Je te dirais que là, ça tombe un peu, mais bon, en français, il n'est pas encore sorti. Moi, je vous conseille fortement les deux premiers tomes de cette série. Ben voilà, Marco Duchesne, on te laisse retourner à tes lectures au bord du feu. à très bientôt. Hey, merci beaucoup. Merci à toi. Salut. Salut bien. Alors voilà, c'était les commentaires BD de Marco Duchesne, notre collaborateur, notre libraire en résidence, qui est également libraire spécialisé en BD chez Pantoute. Et voilà, donc toujours quelques extraits saveurs 8 bits qui viennent ainsi peupler la vie en BD. Donc cette semaine, je vous rappelle, l'artiste qu'on mettait de l'avant, c'était Vince Kaichan avec son album Ilio. Et comme à l'habitude, ce sont des albums qu'on peut retrouver assez facilement en farfouillant sur le web. Et on porte un regard maintenant sur une initiative qui est présente à Montréal depuis déjà 13 ans, en fait, ont fêté leur 13e anniversaire tout récemment. Donc, depuis 2001, c'est dans différents établissements du côté de la métropole. Et c'est arrivé l'automne dernier à Québec, à l'occasion notamment de l'événement 2040, donc des rencontres culturelles entre, justement, Québec et Montréal. Donc, ça, l'initiative s'appelle Distroboto. Et pour nous en parler, eh bien, son idéateur, son fondateur, son créateur, Louis Rastelli, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, je disais justement, ça fait 13 ans que c'est à Montréal. C'est arrivé à Québec l'automne dernier. Qu'est-ce que fait que l'expansion a tardé, entre guillemets, à venir vers la capitale? Mais en fait, c'est un projet qui est un peu victime de son originalité. Dès le début, ça a été lancé par un organisme à but non lucratif qui fait la promotion artistique. Mais au Québec, évidemment, des projets à but non lucratif comme ça, il faut essayer d'accéder au financement des conseils des arts, des choses comme ça. Et c'était un peu trop original. Donc, on faisait plusieurs demandes, on regardait des possibilités. Il y avait de l'intérêt depuis au moins 2003-2004 de la Ville de Québec de plusieurs places pour héberger une machine. Mais de notre part, évidemment, ça prend quand même un peu de ressources, planification, des visites régulières, trouver des partenaires, bref. Le projet est à ce jour un peu trop original pour s'insérer très clairement dans les programmes qui soutiennent la promotion artistique, parce qu'on parle quand même des machines distributrices. Quand on fait contact avec les divers départements des conseils des arts, ils se demandent dès le départ « Ah, que c'est ça, les machines distributrices? » Oui, c'est ce qu'on parle en fait ici, pour ceux qui ne connaissent pas Distroboto, c'est des machines distributrices d'art. C'est ça. Originalement, c'était des machines à cigarettes. Et en fait, les premières années, qu'est-ce qui tardait, c'est que évidemment jusqu'à 2006-2007, la plupart de ces machines-là continuaient à vendre des cigarettes. Ça fait que c'est un peu difficile pour nous de convaincre les opérateurs de nous prêter ou de nous vendre des machines fonctionnelles, parce qu'ils faisaient tous leur gagne-pain en vendant des cigarettes. Mais c'est surtout à partir de 2007, après que la loi anti-tabac qui interdit de fumer dans des bars et des restaurants, la même loi a rendu illégale la vente de cigarettes par machine distributrice. Donc c'est à partir de ce point-là qu'on s'est vraiment mis à l'action pour ramasser des machines et de planifier des expansions le plus possible. Et j'ai l'impression, de ce que j'en ai compris en farfouillant dans des documents historiques, que de l'histoire récente, mais que c'était pour vous, à Distroboto, c'était une course contre la montre, parce que l'État cherchait à détruire les machines, vous cherchiez à les racheter. C'était un moment un peu difficile pour le projet, parce que pour presque un an, on savait que les machines étaient pour devenir illégales et qu'il était pour avoir plein de machines disponibles, et aussi des techniciens, des opérateurs de machines sans emploi. Donc, on tapait sur pas mal toutes les portes, le ministre d'Emploi, même d'Environnement, parce qu'on proposait de réutiliser les machines, éviter qu'elles soient toutes jetées. On a parlé à tous les conseils. Bref, finalement, le gouvernement, à l'époque, a finalement donné un contrat de plusieurs millions à une firme américaine pour aller récupérer et détruire le plus vite possible toutes ces machines-là. Il semble qu'il y avait peur que l'association des vendeurs de cigarettes par machine distributrice était pour contester la loi. Donc, dans leur esprit, même nous autres, là, tous ceux qui gardaient en vie ces machines-là, ils voyaient ça comme une menace ou un risque. Ils voulaient vraiment, au cas où que cette partie de la loi était finalement contestée, ils voulaient au moins s'assurer que ces machines-là étaient pour disparaître le plus vite. Ça fait qu'on était vraiment en course contre le gouvernement qui, au lieu de nous aider à conserver des machines puis des emplois pour les techniciens, on était vraiment en position de course, là, comme vous avez dit. Mais finalement, donc vous avez réussi à en conserver à Montréal, comme je le disais, ça fait déjà 13 ans. Tout récemment, je pense que j'étais tombé sur des statistiques qui parlaient de 60 000 œuvres vendues, des créations de 800 artistes, et j'imagine que vous êtes déjà au-delà de ça. Oui, en ayant juste terminé la semaine passée notre bilan pour l'année 2013, seulement en 2013, on a vendu presque 6 000 trucs. Et on a rajouté au moins une soixantaine d'artistes. Donc là, on peut parler de plus que 1000 artistes et d'environ 70 000 ventes de petites œuvres et de publications et de tout ce qu'on peut faire dans les machines depuis les débuts. En fait, j'imagine que pour avoir lancé cette idée-là et de voir, parce que je pense qu'on peut parler d'engouement, je veux dire, c'est des chiffres qui sont importants. On parle de pratiquement 70 000 œuvres, des petites œuvres à 2 $. Ça veut dire qu'il y a un public fidèle, puis il y a un public qui grandit aussi à chaque année. C'est ça, surtout chaque fois qu'on arrive quelque part nouveau, comme Québec ou même dans les quartiers de Montréal qui n'ont jamais eu ces machines-là, on a plein d'artistes qui découvrent le projet pour la première fois, puisqu'on n'a pas forcément de budget pour faire la grande promotion. Et on n'a pas aussi beaucoup de besoins. Si on faisait beaucoup de promotion et les ventes augmentaient, mais on est un peu à la limite. on reçoit à peu près juste que ce qu'on a besoin pour remplir les machines. Ils se vident assez régulièrement. Bref, chaque fois qu'on lance une nouvelle machine ou on rejoint un nouveau public, ça prend pas mal de nouveaux stocks, de nouveaux artistes. Et comme tu peux imaginer, ça prend parfois une couple de mois pour prendre contact avec des nouveaux artistes, évaluer leur soumission, leur donner le temps justement de faire des soumissions, etc. Oui, parce qu'il y a un cadre quand même assez précis à ce qui peut être présenté dans des machines, parce que juste en termes d'espace, c'est l'équivalent d'un petit paquet de cigarettes. C'est le plus large possible, c'est la taille d'un ancien paquet king size. Comme il faut, là, et ça peut pas dépasser parce que ça va littéralement, ça passe tout simplement pas dans la machine, c'est trop large. Donc, on dit souvent aux artistes de penser dans la boîte, parce que c'est comme des dimensions de maximales très strictes. Mm-hmm. Mais je pense que c'est une des choses qui rend le projet intéressant, depuis que tout doit s'inscrire dans les mêmes dimensions. Ça donne dès le départ aux artistes, aux écrivains, aux bédéistes, un point de départ. Et au fil des ans, l'autre aspect du projet, c'est que notre OBNL qui gère ce projet-là a un mandat duel de promotion et préservation. Donc, on a gardé plusieurs échantillons de chacun de tous ces productions-là. Et c'est très intéressant de voir l'énorme variété de produits, de livres, de publications, de choses qui sont présents dans nos archives, malgré le fait qu'ils sont tous à peu près des mêmes dimensions. Oui, puis en même temps, c'est comme vous le disiez, il y a de la bande dessinée, il y a du fanzine, il y a de la création, de la musique, il y a de tout, en fait, essentiellement, dans la mesure où on réussit à le faire cadrer dans ce format-là. Et en même temps, pour la personne qui va l'acheter, on est devant la machine, on est face à des objets où ils sont dans une boîte, il y a une image. Dans le fond, on voit l'image sur le dessus, mais on sait pas exactement. Donc, c'est un peu l'effet Kinder Surprise, en fait. On achète le 2$, puis on découvre ce qu'on a acheté. C'est exactement ça. Je crois que dès le départ, ça a été quelque chose qu'on pensait pas au début. L'équipe de qui a créé le projet, on s'est rassemblé plusieurs artistes et éditeurs pour concevoir ce projet-là. Et au début, il y en avait plusieurs qui disaient, écoute, ça marchera pas si on peut pas les voir. Faut bien acheter des machines à chip, des machines où qu'on peut voir qu'est-ce qu'il y a, sinon ça marchera pas. Mais finalement, c'est l'inverse. Comme tu dis, le fait que c'est juste 2$, et qu'on a parfois des descriptions un peu cryptiques de qu'est-ce qui est telle ou une autre sélection, ça suscite beaucoup de curiosité. Puis en fait, c'est pas juste le produit que la personne achète, mais c'est pour satisfaire la curiosité qui dépense ces 2$ pour voir, je suis curieux de voir qu'est-ce que c'est cette affaire-là. Et même si c'est peut-être pas à l'auteur de leurs attentes, ils ont eu une expérience intéressante de découverte d'œuvres et d'artistes, en fait. Oui, mais en fait, c'est soit pas à la hauteur, soit ça les dépasse, dans le fond, ou soit ça y répond. Ça, on a eu des productions assez de luxe. Il y a même eu des artistes, juste pour le fun, qui ont mis comme des 20$ cachés dans leur production pour un peu, justement, semer un peu de sentiment, de surprise, en fait, pour ceux qui achètent. Et là-dedans, c'est aussi qu'on retrouve, j'ai l'impression, autant des artistes qui commencent, qui en sont à leur première production, il y en a qui en font presque exclusivement pour les machines, il y en a d'autres qui utilisent le médium pour expérimenter, mais qui sont déjà bien établis. C'est exactement ça, c'est vraiment un mélange, je dirais que c'est plutôt des gens qui sont en début de pratique, et c'est vraiment une bonne occasion de commencer à te présenter de quoi au public. Premièrement, on a des consignes assez spécifiques. Deuxièmement, évidemment, c'est des machines qui sont dans des lieux publics. Pour un jeune artiste qui commence, qui veut commencer à se faire connaître, c'est vraiment, il n'y a pas beaucoup d'autres avenues là, qui vont leur faire connaître dans un corridor d'une bibliothèque ou dans l'entrée d'un club de nuit. C'est vraiment, c'est un projet qui inspire aussi beaucoup. Il y a beaucoup d'artistes qui sont peut-être pas sortis de leur atelier trop souvent, mais qui voient ça puis disent, bon, je pourrais bien faire quelque chose pour ça, moi. Oui, à la limite, en fait, j'ai presque l'impression, Louis Rastelli, que un projet comme Distroboto, ça vient remplir un vide dans la mesure où ce type de production-là, et par exemple, si on tombe dans le fanzine aussi, tout particulièrement, et dans d'autres types d'objets, c'est très difficile de les distribuer, de les diffuser de manière indépendante. Il y a peu d'endroits qui en tiennent. C'est exactement ça. Les origines du projet remontent à la fin des années 90, quand à Montréal en particulier, il y avait fermeture de plusieurs librairies, de plusieurs commerces qui, justement, donnaient vendaient des trucs en consigne d'artistes locaux. Dans certains cas, ils trouvaient que c'était juste trop de trouble pour très peu de sous. Dans d'autres cas, ils ont tout simplement fait faillite. Et on se trouvait avec un vrai manque. Comment est-ce qu'on va se faire connaître? Et s'il n'y a pas de façon de se faire connaître, mais là, les gens vont commencer, ils vont arrêter à produire, à créer. Ils vont peut-être déménager. On était un peu concernés. Mm-hmm. Donc, on a commencé des deux projets, Distroboto comme machine distributrice pour vendre qu'est-ce qu'on vend, surtout au début des mini-fanzines, des mini-BD. Et on a aussi monté à peu près en même temps une foire Exposine, qui est comme un salon du livre pour justement des fanzines, des BD alternatives, des auteurs qui publient, qui sont autopubliés. Mm-hmm. Et donc avec ces deux projets-là, on a réussi à combler un vide au-delà de nos attentes, parce qu'originalement on pensait, bon, ben on a un paquet d'amis qui auront besoin de ces projets-là, mais une fois commencé, Distroboto et Exposine, c'est incroyable le nombre de personnes qui sont sorties de nulle part pour contribuer ou participer au projet, qu'on savait même pas qu'il existait. Et on était quand même une gang d'artistes et d'éditeurs assez branchés qui ont commencé les projets. Mais tout pour dire, quand tu donnes cette opportunité-là, c'est vraiment là que tu vois quelle sorte de créativité que tu as dans ta ville. Ça suffit de leur donner une place, de se faire connaître pour les faire sortir. Donc pour nous, c'est vraiment la valeur principale du projet. Et puis en même temps, en tant que diffuseur, vous prenez pas non plus des tonnes sur le 2$ qui est payé par le client. Je pense que c'est 1,75$ qui va à l'artiste, si je me trompe pas. Ben, c'est ça. On prend vraiment juste une petite somme modique. C'est surtout pour compenser ce qu'on appelle les pertes mécaniques, parce que ça arrive assez régulièrement que les produits se sont donnés gratuitement. Les gens reçoivent deux ou bref. L'autre raison, c'est que en tant que OBNL, on doit faire attention de pas mener des activités trop commerciales. Si on lançait ça comme une maison de distribution et on prenait un bon 50-60% comme les distributeurs de BD, par exemple, mais là, on pourra perdre notre statut de but non lucratif. Il faudra charger des TPS, TVQ, bref. Ça nous amènera à une situation où il faudra charger 5 ou 6 piastres pour être en mesure de donner le même montant. Oui, puis là, il y aurait plus une démocratisation non plus pour l'acheteur de dire, bon, OK, c'est 2$, c'est peut-être... Il y a ça aussi. Tu vois, depuis 13 ans, on n'a jamais augmenté le prix, puis c'est pas pour rien. Premièrement, les petites publications, on prend par exemple un mini-BD ou une petite fanzine, c'est même moins cher aujourd'hui de produire qu'en 2001, parce qu'avec toutes les presses numériques, les imprimantes de haute qualité qu'on peut s'acheter, installer dans notre maison, finalement, c'est devenu, ça n'a pas trop augmenté côté production. Et deuxièmement, le fait reste qu'à 2$, l'important est que les gens prennent des chances sur des inconnus. Mm-hmm. Étant donné que c'est majoritairement des artistes inconnus, il ne faudra pas s'attendre que les gens vont dépenser plein d'argent juste pour prendre une chance. Donc, les artistes en général réussissent à faire un petit peu d'argent ou au minimum de couvrir les coûts de production. Ça leur donne un peu d'exposure pas cher. Et évidemment, pour les acheteurs, ils ne se plaignent pas que le prix reste à 2$. Et je le rappelle, en fait, à Montréal, il y a plusieurs machines, évidemment, pour ceux qui nous écoutent de la métropole, qui ne connaissaient pas par tout hasard l'initiative. À Québec, c'est arrivé cet automne, il y a deux endroits où, justement, faire l'essai de ces distributrices d'œuvres d'art. Donc, il y a la coopérative Méduse, il y a le complexe Le Cercle. Et est-ce que en terminant en 10 secondes, est-ce que projet aussi de rajouter éventuellement d'autres distributrices à Québec? Ben, à Québec, pour l'instant, l'important pour nous, c'est de continuer à attirer l'attention de plus en plus d'artistes et éventuellement, une fois qu'on a vraiment une bonne communauté d'artistes de Québec qui produisent, on pourra considérer peut-être une autre place. Mais maintenant, c'est plutôt d'autres places en région. Depuis qu'on a fait l'expansion à Québec. Comme le Saguenay, par exemple. Il y a Drummondville, il y a Saguenay, il y a Chicoutimi. Qui disent, ah, mais vous avez finalement commencé à sortir de Montréal. Nous autres aussi, là, on en veut une. Fait qu'on va prendre ça étape par étape et c'est sûr qu'éventuellement, si ça roule bien, on aimerait bien continuer dans l'éventuel d'en placer peut-être un troisième dans les prochaines années. Mais on vous le souhaite. Louis Restelli, donc fondateur de Distroboto, merci beaucoup. Merci à vous. Au plaisir. Si, au revoir. Alors voilà, donc c'est sur ce regard qu'on termine l'édition de cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine à La Vie en BD. C'était Raymond Poirier au micro. C'était un plaisir évidemment d'être avec vous en ce vendredi et passez un bon week-end sur les ondes du 89.1 CKRL.